Les belles rencontres. Aujourd'hui, nous vous présenterons la deuxième partie de l'entretien qu'a réalisé Anne Bergeron avec l'artiste peintre et sculpteur de Doswell, Daniel Brochu. Puis comment t'as pensé que t'aimerais ça, la sculpture? Comment c'est arrivé au début? Au début, c'est arrivé, j'ai toujours trouvé ça beau, les sculptures. Quand j'avais 14 ans, j'avais lu toute la vie de Rodin avec les sculptures. Puis je trouvais c'était beau, là, tout ce qu'il avait fait. Puis tu sais, c'était super beau, là aussi, c'est beau. Mais tu sais, c'est rare, une adolescente de 14 ans, J'avais son livre avec toute son histoire, puis toutes les sculptures qu'il y avait dedans, là. Je trouvais ça, le penseur, puis toute l'équipe, là, comme on dit. Mm-hmm. Et puis, après ça, c'est sûr que la sculpture s'est dispendue. Mm-hmm. Fait que là, je me suis dit, je peux pas m'en acheter, je vais m'en faire. comme ça que j'ai commencé. Puis le contact que j'ai eu avec le couteau, mm-hmm. puis ils appellent ça des ciseaux, moi j'appelle ça un couteau. Et puis, le bois, ça a fait, là, j'étais captivée par ça. Il y a comme une flamme qui s'est allumée, oui, tout de suite. Puis là, c'est sûr, c'est ma vie, la sculpture. J'aime la peinture, mais j'adore la sculpture. Mais au début, quand tu as commencé à sculpter, est-ce que tu savais quoi t'acheter, tu sais, dans les couteaux? Non, ils étaient même pas affilés, mes couteaux. J'avais été voir un monsieur avec la première pièce que j'ai faite. Et puis, il m'avait dit... Vous n'avez pas tout fait ça avec ce couteau-là? J'ai dit oui, j'avais une gauche, elle était plus droite, que c'était pas une gauche vraiment, là, mais en tout cas. J'avais dit oui, puis il m'avait dit, mon Dieu, madame, il s'est pas affilé. J'ai dit, j'avais même pas que mon couteau n'était pas affilé, mais j'avais gossé. Je n'avais pas fait, j'avais travaillé. Oui, il fallait que tu... Mais il avait trouvé que mon travail était bien, là, mais enfin, là, à un moment donné, on affile, hein. Ou on fait affiler, ça dépend. Mais t'as pris ton expérience toi-même. Oui, c'est ça. J'adore ça. J'adore le bois. Est-ce que tu prends différentes sortes de bois? Oui. Ou bien c'est une préférence aussi? De ce temps-là, je travaille avec du cèdre. Oui. Je trouve que c'est un bois qui est bien obéissant. Non, mais tu sais, on réussit là à l'arrondir, à faire. Je trouve ça. Puis c'est beau en plus. C'est un bois sacré. Et puis il peut aller dehors comme en dedans. Oui, c'est vrai. Fait ça reste beau. Mm-hmm. Mais mon bois que j'aime le plus, c'est le plus. En tout cas, j'aime tous les bois, mais le tilleul, c'est un beau bois. Ça, c'est un beau bois, puis c'est un bois frais. T'es pas obligé de le sabler, rien. Il coupe, puis c'est déjà... Il fait déjà son travail, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup le tilleul. Est-ce que c'est... Puis quand tu fais ta sculpture, est-ce que tu as un plan que tu fais avant? Parce que là, si tu aimes ça beaucoup, probablement que ton imagination se fond avec la sculpture. Mais pour certaines pièces, est-ce qu'il faut que tu te fasses un plan? La plupart du temps, je fais pas de plan. Tu fais pas de plan. Mais ça peut arriver, comme j'ai fait une icône dernièrement, puis j'ai quand même pris du papier pour voir la dimension que ça donnait. Oui. Parce que des chevaux, je n'ai jamais fait ça. Fait que là, ça me donnait une idée, mais après ça, je pars dans le bois, puis je vais assez selon, là, à mesure. Parce qu'il faut dire aussi que tes sculptures, c'est fait de grandes dimensions. Oui. C'est pas des petites sculptures, là, de 2 par 3 ou 4 par 6 pouces. Non. Ça peut être 2 pieds par 3 pieds. C'est moyen, on va dire, parce qu'il y a des sculptures pas mal plus grosses que ça, là. Oui, mais, tu sais, c'est quand même imposant. Oui, ça peut. Mettre dans tes sculptures que j'ai vues, c'est le fait que c'est quand même assez, il y a de la place là, aussi, parce que c'est gros. Oui. Gros, c'est comme tu dis, moyen gros, dire. Oui. Mais tu peux mettre des symboles. Oui. C'est ça qui est beau. Fait que, moi, comme ici, j'ai une photo de la licorne devant nous autres, mais autour de l'œil, tu mets des petits oiseaux. Oui. Fait que comme pour toi, les oiseaux, ça signifie quoi quand tu mets ça dans tes... ça signifie la légèreté, l'envol, la plume, les anges, tu sais, tout ce qui est léger, tout ce qui s'envole, tout ce qui flotte, là. Puis ça peut avoir un rapport avec les anges. Beau. Parce que c'est de la plume. C'est de la plume, c'est vrai. Oui. Plume ange, plume oiseau, plume. l'envolée. Oui, c'est pour ça aussi qu'on peut retrouver des plumes dans tes sculptures, Oui, j'adore les plumes. à cause de ce symbole-là. Oui, Oui. aussi, aussi. Et puis, quand tu fais des sculptures comme... tu fais pas toujours ça, mais selon certaines sculptures, tu vas mettre volontairement des cils. Ça veut dire quoi pour toi, ça, quand tu fais, en gros, quand tu fais des cils? Ça, c'est, je sais que ça a un rapport avec la flèche, Oui, mais... ça a un rapport avec la flèche, mais c'est symbolique. C'est symbolique. Ben, en tout cas, j'avais lu dans le dictionnaire des symboles, Oui. dans une poésie persane, que c'était les armes de l'amour. Les armes. Ouais, c'est ça. Quand le yad se fait, c'est comme si, en même temps. C'est une rencontre. Ouais, c'est ça, une rencontre. Mais je peux pas t'expliquer ça, Oui, là. mais c'est déjà bien beau, c'est déjà très Mais c'est poétique. presque tout symbolique, mes C'est pièces. tout Même symbolique. la licorne même est symbolique. Oui, parce que c'est... La corne, c'est symbolique. Ça veut dire quoi, la corne? Ben, une corne, c'est une corne d'abondance, on Ah, va dire. ben oui, c'est ça, une corne C'est pas une corne d'abondance, là, mais une corne, c'est une protection, c'est un. Je sais pas. Oui, c'est ça. Puis déjà, la licorne, c'est positif. Oui, c'est ça. Oui, c'est positif. Puis aussi, tu fais beaucoup de. Ben, vu ta grande générosité, tu fais des sculptures pour les donner aussi à Oui. des amis ou à ta famille. Oui. Puis la façon dont tu sculptes, quand tu sais que c'est pour cette personne-là, tu personnalises ta sculpture. Oui. Fait que tu mets des symboles en fonction de la personne. Oui, comme j'ai fait la licorne, justement, Oui. une des deux licornes que je viens de Oui, faire. parce que tu en as fait deux, mais la première. La première, ben, c'était pour mon ami qui avait 60 ans cette année. C'est un. L'année passée? Oui, c'est ça, l'année L'année passée. Je passée? m'excuse, au mois de C'est juillet. passé ça quand on vit dans l'instant présent Oui, de notre moi. création, hein? C'est ça. Bon, puis c'était l'année du cheval, fait que je Oui. me suis dit, tiens, pourquoi pas y faire une licorne, parce qu'elle est cheval elle-même, Dans l'astrologie dans chinoise. l'astrologie chinoise, et puis elle a eu 60 ans, fait que je me suis dit, tiens, ça va l'aider, ça va la protéger, ça va lui donner. C'est une licorne amérindienne. J'ai Amérindienne. mis, ouais, des plumes en vinaigrier, puis elle est comment, du cèdre, en cèdre. En cèdre, Vu ok, que t'as... c'est un bois sacré, comme je dis. Oh, Ouais, c'est c'est ça. parce que t'as fait... En plus, c'est l'essence du bois a un sens. Oui, c'est ça. Ouais, c'est beau. Puis là, t'as fait une deuxième licorne, mais étant donné que tu fais pas de plan, donc tu repars à zéro À pour chaque zéro, création. oui, parce que c'est toujours Une première fois. Oui, c'est ça. Je suis pas encore habituée. Non, c'est ça la création. Bon, C'est que je recommence à toutes les fois parce que j'avais plus l'image de l'autre que j'avais faite. Puis là, je me Oui. disais, ça va m'aider, mais ça m'aidait pas parce que je l'avais pas. Fait que j'ai recommencé encore à zéro. Je n'ai fait une autre. Elle s'appelle La porteuse d'étoiles. Ah oui. Moi, c'est une belle pièce aussi. Puis ce bois-là, c'est du cèdre, mais je l'ai pris dans la terre. Il était pas pourri, là, mais tu sais, je veux dire, était dans la terre là, depuis 2 ans. Je l'ai pris, je l'ai fait sécher, et puis finalement, c'est une pierre. Puis là, elle est porteuse d'étoiles, fait que tu sais, ça part de la terre puis ça monte dans le ciel. Moi, je trouve ça Ah, super. c'est beau ça, ouais. Fait que t'as fait des étoiles. Oui, j'ai fait des belles étoiles. Il y en a une dans la bouche à la porte, et puis il y en a sur elle, là. Je les ai toutes faites une par une. Ah, oh, puis tu as déjà tout fait individuellement. Tout individuel, et puis je les ai recouvertes de feuilles d'or, On a fait 23 carats. un. C'est beau. Ouais, Fait là, je que suis bien fière. mais je comprends. C'est plus que sacré, ça. Oui, C'est c'est un sacré travail. tout à ton honneur. Fait que après, t'es opposé, puis tout. Oui, c'est ça. Fait que cette pièce-là, pour toi, c'est la tienne, mais ça t'apporte de la protection. Oui, c'est ça que je pense. Je Oui. vais la mettre à la porte, à mon entrée. Je sais que tu es gauchère. Oui. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire des choses de la main droite? Non. Non, t'es Ben, spécifique. si je fais de la couture, je coupe la main droite. Ah oui. Ben, tu comprends, quand on était jeune, là, à cette heure, il y a tout pour les gauchers, les droitiers, Mais quand on était jeune, c'était juste pour les droitiers. Tout était pour les droitiers. Oui. Fait qu'on n'a pas eu le choix de devenir habile des deux mains. Parce mm-hmm. que, tu sais, je peux faire des choses des deux mains. Mais quand je peins ou quand je fais de la... Ben, malgré que ma main gauche a le maillet, puis ma droite... dirige okay. le couteau. C'est ta main droite qui dirige la gauche. Ouais. Ça veut dire que tu fais travailler les deux parties de ton cerveau. Ouais, oui, j'essaie. En tout cas, c'est très, très bien réussi. Ouais, merci. Hein. Félicitations. Merci. Fait que, bien là, on est rendu à la fin de notre entrevue. Ouais, bien. Fait que, ben, merci beaucoup, Danielle. Ça me fait plaisir. Hein. Pour ce généreux entretien et de ta très belle collaboration qui nous ont fait découvrir 1000 facettes de ton talent créateur, comme, entre autres, tes pinceaux et tes outils à sculpture qui parcourent tes œuvres telles des doigts d'ange. Oh, merci beaucoup. Merci. Hein. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.